African. Africain, ne jugez pas, chaque humain comme il est là, je ne suis qu'un petit Africain. Augmente le niveau, ambiance à l'africaine. Si c'est pour toi, c'est bon. Alors nous, c'est pareil. Augmente le niveau. Oh my god. Oh, il est parti, Doc. Non. Déjà, faut trouver un truc qui colle là-dessus. Il n'y a que les Africains qui savent faire ça. Doudou, dis-donc. Wonder, j'ai perdu la banane de mon palmier. Waligande, Waligande, j'ai perdu ma banane de mon palmier. Wagadoulade, je l'ai perdu. C'est ambiance. Oh, on danse. Coller serré, coller serré. Coller contre ton corps tout chaud. Coller serré, coller serré. Nous on veut sauter sous Nicasso. Oh, so, Nicasso. Ambiance et le coin, on veut chanter. Ambiancé. C'est un nouveau mot dans le nouveau dictionnaire du dance. Faut ambiancer le niveau, ambiancer à l'africaine. Et si tu connais pas, c'est nous le Magic System. Voilà. Ah merde, c'est quoi ça? C'est Goldur. J'ai mon PC, il me fait les siennes, c'est un truc horrible. Il m'a ouvert 15 pages d'un coup. Hein? Kirikou l'a perdu. Kirikou est tombé de son petit bananier. Il a perdu son cocotier. Ouais, je crois que c'est parce que j'ai pas dormi depuis deux nuits à peu près. Ça doit être ça. Oui. Je pense que c'est celui d'hier qui doit encore couler dans mes veines. Attends, tu sais quoi, hier j'étais dans les bras de Morehead, quand même. T'imagines la scène? Un truc de fou. J'avais rien vu. C'est après, ça s'est gâté. Mohamed Ali. Non, il est mort. Je suis plus là. Pour l'instant, on va dire pour l'instant. De l'eau de roche. Mmh. Allô? Il y a un téléphone. Mince. Je vais continuer à écouter pendant que je vais me préparer. Oh, il est déjà 19h. J'ai même pas fait ma sieste. Cool.